l'initiation et la fusion. Si je semble vous crier dans les oreilles, c'est que le technicien a mis le son un peu fort. Et quand je m'entends parler, c'est habituellement parce que le son est un peu fort. Alors, ceux qui sont proches de la porte, vous allez cogner gentiment. Si ça vous achale. Gentiment, hein? Alors, l'initiation et la fusion. L'une des grosses questions que les gens me posent souvent lorsque je fais des émissions radiophoniques, des émissions de télévision, ou lorsque je fais des conférences à l'extérieur, lorsqu'il y a un public relativement nouveau qui m'entend, c'est toujours pour qui je me prends. C'est une bonne question. Et finalement, on me demande aussi de temps en temps si je ne suis pas complètement cinglé ou fou. J'ai beau leur expliquer qu'on ne demande jamais à quelqu'un qu'on pense fou s'il est fou. S'il répond oui, il est fou. S'il répond non, ça ne veut rien dire. Et quand on me demande qui je suis, ou pour qui je me prends plutôt, on ne me demande jamais qui je suis. On me demande pour qui je me prends. Eh bien, il y a justement dans l'évolution de l'humanité, dans l'évolution de l'individu, dans l'évolution des structures des humanités, à travers les temps, il y a ce que l'être humain appelle l'évolution. Et le gros problème de l'évolution chez l'être humain, c'est que l'être humain pense que l'évolution, c'est simplement un désir, que l'évolution, c'est simplement un espoir, que l'évolution, c'est un but qui ne doit jamais être atteint. L'humanité et l'humain acceptent en général qu'on atteigne le but à la condition qu'on l'atteigne tous ensemble. Sinon, ils vont tout faire pour empêcher celui qui monte de monter trop haut. Alors, il y a des pays où lorsqu'un individu monte, eh bien, on va s'enquérir de ce qu'il a fait pour monter. S'il veut bien dispenser une forme d'enseignement, des cours ou quoi que ce soit, eh bien, on va y aller. Il y a d'autres pays, par contre, où lorsqu'un individu semble monter un peu plus haut, eh bien, on ne va pas suivre des cours ou des enseignements s'il en donnerait, non. On s'arrange pour le démolir. Comme ça, ça donne l'illusion qu'on monte à son niveau. On appelle cela l'égalitarisme. C'est aussi un peu un phénomène... que l'on retrouve dans certains pays socialistes, où on applaudit toujours en fonction du bas, en coupant les têtes en haut. Si on prend l'exemple du Québec, lorsque une personne gagne de l'argent, si elle gagne de l'argent en vendant de l'automobile, ça peut aller. Mais il faudra qu'elle augmente ses employés, ou qu'elle augmente ceux avec qui elle travaille de proche, ou qu'elle ne les invite jamais chez elle, et qu'elle continue à prendre son troisième char, le plus vieux, pour aller travailler. De façon à ce que les autres ne voient pas trop sa richesse. Si on regarde quelqu'un qui ouvre à un moment donné un établissement d'alimentation naturelle, on va acheter chez lui. Et lentement, il y a 2-3 magasins, et finalement, il en a 101. Et il a une grosse maison, il est riche. Mais il ne faut pas que ça paraisse trop, parce que quand les gens vont découvrir que le gars qui vendait des aliments naturels, c'était un gros riche, ils vont en déduire qu'il faisait soin pour l'argent, puis ils vont aller magasiner ailleurs. Ça, c'est le Québécois. Parce que c'est interdit, selon la mentalité inconsciente du Québécois, qu'un individu monte. Alors, on parle des Italiens qui viennent voler nos jobs. C'est sûr. Il reste 3-4 dans une même maison. Faut tuer le cochon. Puis après 3, 4, 5 ou 10 ans, ils ont toute leur maison. Faut tuer le voleur. Et pendant ce temps-là, bien, nous autres, pas de problème. Aux États-Unis, par contre, c'est l'inverse. Plus vous êtes riche, plus vous êtes respecté. Alors, si un artiste a beaucoup d'argent, il s'achète des bijoux. Il a une grosse maison. Et on fait même des émissions sur les gens riches et célèbres. Ça augmente leur cote publique. Mais au Québec, faire une émission sur les gens riches et célèbres du Québec, ça rend toute la population jalouse. Et s'il y a des moyens quelconques de boycotter leurs produits, on va le faire. Si à un moment donné, on prend l'exemple de certaines pharmacies, et qu'on présenterait des gens riches et célèbres qui ont bâti cette chaîne, il y a des gens qui iraient magasiner ailleurs. Prenons l'exemple d'un restaurant végétarien à Montréal, qui d'ailleurs vend ses repas assez cher. Eh bien, à un moment donné, s'ils mettent pas mal de luxe dans leur magasin, il y a beaucoup de clients qui vont aller acheter ailleurs parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils leur font faire de l'argent. L'évolution au Québec, c'est la même chose. Si un Européen vient ici, quel que soit ce qu'il va amener, les gens vont acheter. Si c'est un cours de marketing qu'un Québécois veut donner, il faudra que les Québécois s'affichent comme étant diplômés d'une université même si elle n'est pas légale, d'une école particulière des États-Unis, d'Allemagne. Et là, on va pouvoir suivre ses cours. Mais ici, il n'est pas diplômé d'une école extra-étrangère au Québec. Pour qui il se prend? Alors, c'est un problème majeur. Et lorsque on considère que l'évolution, l'initiation ainsi que la fusion au niveau de la planète va se faire presque exclusivement au Québec dans la centaine d'années qui va suivre, bien, il y aura nécessairement une guerre majeure entre les Québécois. Une guerre qui va entraîner des divisions entre les familles, des divisions entre les amis, des divisions entre les systèmes sociaux. Et on doit s'arranger pour prévenir les coups. Lorsque on me demande, est-ce que vous avez des diplômes? Parce que l'humain est encore convaincu que pour apprendre à connaître l'homme, mieux vaut une école de ciment que travailler avec des humains. Parce que le diplôme prétend que tu connais. Mais l'expérience de la vie, ça, ça ne veut rien dire. À un point tel qu'ici, comme dans quelques endroits, si vous faites un travail, pendant 20 ans, un travail bénévole, avec des handicapés, par exemple, on ne peut pas reconnaître que vous êtes qualifié pour travailler avec des handicapés. C'était un travail bénévole. Et ça, c'est reconnu. Vous avez de l'expérience, vous voulez vous trouver un emploi payant. Et on va vous demander, est-ce que vous avez déjà travaillé quelque part avec des handicapés? Vous dites oui dans telle institution. Quel était votre salaire? Vous dites, ah, je n'étais pas payé. Ah, ben, ça compte pas. Et je me suis déjà fait refuser un emploi parce que ça comptait pas. De toute façon, c'était parfait. Tant qu'à travailler, autant pas travailler avec un con qui compte pas. Mais au niveau d'évolution, c'est la même chose. De plus en plus, les jeunes sauront des choses sans les avoir apprises. Et lorsque l'être humain est toujours confronté à refuser un savoir instantané ou une chose qui ne provient pas d'une école, il va faire une erreur majeure. C'est qu'un jour, dans votre tête, dans la tête des Québécois, vont apparaître aussi des bribes de savoir instantané. Et le Québécois se dira, ben voyons donc, qu'est-ce qui m'arrive? Pour qui je me prends? Je ne suis pas psychologue pour savoir ça. Je ne suis pas médecin pour savoir ça. Je ne suis pas philosophe. Je n'ai pas suivi de cours. Et lentement, ils vont, après avoir nivelé au maximum ceux qui avaient eu en premier la faculté d'avoir une conscience supramentale, ils vont lentement se niveler eux-mêmes. Et c'est extrêmement dommage et dommageable. L'initiation, c'est la forme d'évolution qui ne s'adresse qu'à l'être humain et qui ne s'adresse à peu près pas à l'animal humain. Il y a une évolution génétique mutatoire depuis des millions d'années. Et cette évolution génétique, c'est-à-dire que lorsque les adultes changent, évoluent, diront les spirituels, lorsque l'adulte évolue, il doit continuellement être aux aguets. Aux aguets pour ne pas faire des chutes, des rechutes, aux aguets pour ne pas retomber dans ses vieilles formes. Alors, il a des techniques qui le pacifient, des techniques qui le libèrent d'une pensée trop frauduleuse. Il a des techniques qui réparent son corps, des techniques de respiration qui contrôlent son système émotif. Mais il doit les pratiquer presque toute sa vie, parce que tout ce que ces techniques lui apportent appartiennent aux techniques et n'appartiennent jamais aux pratiquants. Et à un moment donné, à son insu, il commence l'initiation, c'est-à-dire qu'il cellularise des choses amenées par ces techniques. Mais il les cellularise d'une façon réceptive, c'est-à-dire que ça ne paraîtra pas chez lui. S'il cesse de pratiquer les techniques, il va perdre ce qu'il avait gagné. Par contre, s'il a des enfants, il transmet ses caractères récessifs à ses enfants. Et à la longue, après 2, 3, 4, 10, 15, 20, 100 générations, les enfants des enfants des enfants auront en caractère dominant ces caractéristiques. Ils n'auront pas besoin de pratiquer ces techniques et ils auront à leur naissance ces choses. C'est pourquoi la majorité des techniques du passé ne fonctionnent plus sur le Québécois. La majorité des formes de yoga est un passe-temps. Ça n'a pas d'effet. Parce que ce que le yoga a apporté est déjà chez vous génétiquement transmis à votre naissance. C'est bien évident que lorsqu'on a des rigidités articulaires, le yoga peut nous aider à retrouver une souplesse. Mais à l'instant où on est redevenu souple, il n'y a plus d'évolution par le yoga. Il n'a plus d'évolution par les formes de méditation conventionnelles. Ce sont des voyages astraux, des trips. Ce sont des passe-temps. L'être humain doit vivre par l'initiation. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, le corps physique est suffisamment prêt pour permettre la réception d'un contingent d'intelligence, d'un esprit saint, d'un savoir instantané, d'une dose quelque peu massive de neuf. Alors, lorsque les corps physiques transmis par la génétique, affinés par certaines techniques, sont prêts, il y a maintenant une initiation. Dans certaines écoles traditionnelles, on parle d'une épreuve, d'un test, d'une vérification, d'un examen. Voyez-vous, l'évolution mutatoire reliée surtout à l'animal humain, et 99,9999% des êtres humains sont des animaux humains, du point de vue de la vision que le cosmos a d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont une évolution de troupeau, ils ont les mêmes habitudes que les animaux, ils doivent manger, ils doivent excréter, ils doivent boire, ils se battent, ils s'amusent corporellement, ils se reproduisent, ils s'amusent continuellement. L'humain a cette faculté plus développée que chez l'animal. Dans l'amusement, il se distrait. Alors finalement, l'homme a la faculté de se battre. Comme les troupeaux, les animaux ont leur territoire, l'homme a ses frontières nationales. Et à travers tout cela, lorsque l'animal humain a réussi à sécuriser son alimentation, comme l'animal, lorsqu'il a réussi à sécuriser son territoire, l'animal pisse aux quatre coins de son territoire, l'homme met des toilettes, met des bases militaires, protège son territoire aussi. Lorsque l'animal humain a suffisamment de vêtements pour se préserver des conditions climatiques, lorsqu'il a son habitation, son territoire, lorsqu'il a sa nourriture, eh bien, tout le reste de la vie, il s'en sert pour se distraire, pour oublier qu'il est là. La majorité des animaux humains vivent d'une façon sinusoïdale, c'est-à-dire qu'ils ont des hauts et des bas. Ils sont heureux, malheureux, heureux, malheureux, heureux, malheureux. Simplement parce que le corps physique est la seule chose importante du point de vue cosmique chez l'animal humain, et l'âme qui l'habite n'a absolument aucune importance du point de vue cosmique. Que ça meure, que ça ne meure pas, ça ne dérange personne. Surtout pas Dieu, qui se fout royalement de l'animal humain. En l'occurrence, qui se fout royalement de la copie de lui-même, c'est-à-dire de l'âme. Par contre, l'âme a la faculté d'animer le corps. L'âme désire avoir une chose. Alors le corps se lève, le corps se déplace, le corps va vers la chose. Étant donné que la vie est un facteur qui est relié, qui est écologique, c'est un écosystème dans lequel vient s'intermêler l'évolution de milliards d'âmes, de milliards d'êtres humains, nécessairement les choses sont toujours portées à désillusionner l'âme qui va à la recherche. Alors on achète des billets de loterie, si on serait le seul à en acheter, on gagnerait. Étant donné qu'il y a un paquet d'autres cadres qui n'achètent, ben nécessairement on ne gagne pas. Il y en a un sur 1 000, sur 10 000, sur 1 million qui gagne. Et c'est frustrant. Toute la vie de l'animal humain est basée en fonction de frustration. Il y a un pommier avec 500 pommes. Il y a 1 000 personnes qui veulent y aller. Il y aura nécessairement une personne sur deux qui devra être frustrée. Et il y aura quelques personnes qui vont partager le pomme. Il y aura une demi-frustration. Alors, lorsque tout semble bien aller, chez l'animal humain, tout va mal. Et la réplique exacte de ce que l'animal humain vit se répercute dans tout ce qu'il a construit. Les nations ont eu leur heure de gloire et leur heure de déception. Présentement, les États-Unis d'Amérique sont en haut. Ils vivront aussi un plus haut. Ils vivront par la suite une extinction du point de vue de leur crédibilité et de leur efficacité. On a eu l'Espagne, on a eu le Portugal, on a eu... Tous les pays ont eu leur heure de gloire. L'Égypte, la Rome, l'Italie donc, la France, Napoléon, la Chine, la Mongolie, Kubilai Khan, et on peut en nommer plusieurs. L'animal humain est celui qui est assujetti à une initiation très lente, une initiation de type lunaire, une initiation très lente et très lente. Une initiation qui ne fait pas mal. Hier, il y a une auditrice qui me parlait à la radio qui me disait, me demandait si, dans le monde de la mort, quelque chose en genre, si on souffrait. Je réponds non. Elle dit, ah, vous êtes faim, M. Kim. Ça, je réponds tout ce qu'elle veut, je suis faim. Bon. Mais ça ne servait à rien. Elle m'appelait pour que je lui confirme tout ce qu'elle avait besoin d'être confirmé. Elle ne voulait pas savoir ce qui se passait en réalité. Elle voulait simplement continuer à pouvoir à avoir une accréditation de pouvoir continuer à croire ce qu'elle croyait. Monsieur Kemp, est-ce que nous sommes sur la planète Terre pour arriver au bonheur? Ah, bien oui. Ah, merci. Mais le problème, c'est que c'est non. L'humain ne sera jamais heureux sur la Terre. La Terre, c'est un emmerdement total. C'est le pire des mondes dans toute cette création. Et nous sommes les plus courageux, mais la Terre est tellement péniblement difficile à habiter que quand nous sommes venus ici, nous avons accepté un petit lavage de cerveau et nous avons conservé une cassette, l'âme, un enregistrement extrêmement déformé qui s'interpénètrent, qui s'intermêlent les uns les autres. Alors, nos petits enregistrements électromagnétiques, nos âmes se mélangent un petit peu. Ça devient un collectiviste qui fait qu'on a une âme planétaire, où finalement, on est des êtres humains tout à fait aplatis devant des créatures apparemment divines. La grosse question, toujours au niveau de l'initiation, c'est lorsque l'on demande à un initié, est-ce que tu crois en Dieu. Il n'y a pas un être humain solide qui peut croire en Dieu. Il n'y a pas un être humain solide qui peut croire en Dieu. Cette théorie n'est pas nécessaire. Par contre, la majorité des êtres humains qui ont de la difficulté à dormir, ceux qui vivent de l'initiation lunaire, l'initiation très lente, ont besoin de croire en Dieu. En un Dieu paternel. Parce que les dieux ont été engendrés par les pères, les mâles, les hommes à l'époque. Or, nécessairement, on aura aussi la mère, Marie. Mais Marie, comparativement à Dieu, ça vient pas mal en dernier dans la hiérarchie céleste. Et lorsque l'être humain a besoin de croire à ce genre de phénomène, à un Dieu qui le protège, même s'il a des boutons, même s'il est malade, à un Dieu qui finalement l'a créé parfait, et dans la perfection divine de la création de Dieu, il y avait tout ce qu'il fallait pour que l'homme fasse la guerre, pour que l'homme s'entretue, pour que l'homme se déchire, pour que l'homme se constamment malade. Apparemment, on a mangé une pomme quelque part, dans un lieu historique, le paradis terrestre. Effectivement, c'était les restes de Dieu qu'il y avait là. Et à travers ces restes, dans ce paradis, l'être humain avait la possibilité de connaître le bien et le mal. Savez-vous qu'est-ce que c'est réellement que qu'est-ce qui est arrivé lorsque l'être humain a vécu cette initiation où il a bouffé une pomme avec un ver dedans, un serpent? C'est simple. Il a compris. Il a eu la connaissance du bien et du mal. Il a eu la possibilité d'avoir chez lui la capacité de se culpabiliser. Avant ça, il ne l'avait pas. Exactement comme dans certains pays sous-développés, dans certaines tribus où on peut retrouver des cannibales ou encore des réducteurs de tête, comme les Indiens Yupi en Amazonie, ceux-là ne connaissent pas le bien et le mal. Ils n'ont pas mangé de l'arbre défendu, ils ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Ils n'ont pas le même nez, ils n'ont pas la même race, ils n'ont pas la même langue. Il y a beaucoup d'individus sur la planète, il y a beaucoup de races qui ne descendent pas d'Adam et de Ève. Ils descendent peut-être du singe, puis le singe descend de l'arbre, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Si on regarde les Incas, ça ne descend pas d'Adam et Ève. Il y en a plusieurs races. Adam et Ève ne peuvent pas avoir un mélange chinois, d'Européens, d'Amérindiens et d'Africains. Une main noire, une main jaune, une face rouge, puis des pieds blancs. Bon. Ces êtres humains n'ont jamais connu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ésotériquement, c'est autre chose. Et de ce fait, ils peuvent tuer et manger d'autres humains et ils ne s'en sentent pas mal. C'est drôle. Parce que ces peuplades, non pas les sida, c'est drôle parce que ces peuplades ne meurent pas du cancer. Mais ils tuent des humains et ils les mangent. Ils réduisent leur tête, ils les torturent. Il faut croire que Dieu les reconnaît comme étant libres. Parce que vous, si vous faites une chose dans le genre, apparemment Dieu va vous punir. Il paraît que le sida, c'est une punition divine. Mais dans ces pays-là où on massacre régulièrement les gens, Dieu ne punit personne. Alors peut-être que si on extrapole logiquement les choses, plus on est bon, moins Dieu est content. Parce que dans ces pays, vous avez un enfant, une fille. On ne l'avorte pas. On ne sait pas que c'est une fille ou un gars. On attend de la coucher. Puis quand on sait que c'est une fille, on la garoche dans la rivière, on s'en fout. Mais Dieu, ça ne fusque pas pour tout. Les humains qui sont là ont la nourriture en masse. Ils ont la chasse en masse. Ils sont parfaits. Ils sont heureux. Quand on les rencontre, ils sont heureux. Ils se mangent entre eux, mais ils sont heureux. Alors, apparemment, leur Dieu est drôlement plus bénéfique que le nôtre. On devrait peut-être prier le leur. Un totem, une statue de bois, ou simplement des cornes. Et il y a toujours un vieux sorcier, patriarcat et planétaire. Il y a un vieux sorcier qui fait peur à tout le monde et qui demande ce qu'on offre au volcan ou à la montagne ou à tel arbre ou à tel singe. Des choses qui, comme ça a toujours été fait, mangent lui-même. Son système digestif est en contact avec le système digestif de Dieu. Alors, pour l'offrir à Dieu, on tue l'animal, et puis lui le bouffe, puis Dieu le sait. Voilà. Bonne explication. L'initiation, la première initiation majeure, c'est lorsque l'être humain a pu prendre conscience qu'il n'était pas parfait. Que ce que Dieu avait créé, si Dieu a créé quelque chose, avait créé cette chose imparfaite. Donc, l'être humain a eu une conscience, la conscience de la perfection. Première forme d'initiation planétaire. Une conscience qui lui faisait prendre, donc qui l'éveillait à l'idée que l'être humain était imparfait, qu'il n'avait pas été achevé, qu'il n'était pas fini. Mais pour pouvoir accepter une idéologie de cet ordre, l'homme, pour supporter l'idée de son imperfection, ne pouvait pas accepter que Dieu pouvait aussi être imparfait. Alors il a engendré des théorèmes absolument contradictoires. Dieu est parfait. génial. Il a créé l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, parfait. Et l'homme est devenu débile de par lui-même. Si l'homme parfait peut devenir débile, Dieu parfait peut devenir débile. Ils sont pareils. Non, c'est Satan qui influence l'homme. Satan, une créature de Dieu. Si Satan a la faculté d'influencer une chose parfaitement créée comme Dieu, Satan peut influencer Dieu. Et on peut y s'amuser longtemps dans ce genre de contradiction intéressante. Alors, à cette époque, l'homme créa Dieu à l'image de la ressemblance de l'homme, mais il projeta dans la visualisation de Dieu toute la perfection qui habitait l'homme en omettant d'y projeter l'imperfection qui habitait l'homme. Mais inconsciemment, c'est une chose que l'homme a faite. Tous ceux qui prient Dieu font du marchandage avec Dieu. Je ne connais personne qui prie Dieu gratuitement. Parce que quand c'est gratuit pour l'homme, on ne le fait pas. Il faut aller à la messe tous les dimanches, c'est juste ça que le Seigneur nous demande. Pourquoi tu vas à la messe? Ben, c'est parce que c'est ça qu'il nous demande. Pourquoi tu fais ce qu'il te demande? Moi, si je te dis, va pas à la messe, tu n'y vas pas. Et finalement, la réponse, oui, mais si tu veux aller au ciel, ça. Pour acheter Dieu, on fait ses 150 commandements. Et dans ces 150 commandements, il y a nécessairement celui de convertir, de tuer les infidèles, etc., etc., etc., dépendant de l'égrégore divin auquel on s'adresse. La journée que le pape va dire que tuer les Juifs, c'est bon, il y a un paquet de catholiques romains qui vont commencer à tuer les Juifs. Et il y en a quelques-uns qui vont lâcher. Et c'est toujours comme ça que ça marche. La première initiation, ça a été de décoder, de découvrir, de conscientiser, d'intelligencer, de vibrer, de percevoir et d'être capable plus ou moins de supporter le fait que nous avons été créés d'une façon absolument ratée. Dieu est partout, donc Dieu est dans l'homme. Dieu est parfait, donc l'homme est parfait. Mais l'homme continue à concevoir qu'il n'est pas parfait. Pourquoi? Parce qu'il y a chez lui une dualité, un bien et le mal. Et à travers le bien et le mal, l'homme a toujours pensé que la faute en incombait soit aux autres, soit à lui. Pendant des milliers d'années, il a inventé des écoles pour manipuler autrui, conquérir les autres pays, régler le problème de l'homme, c'est-à-dire tuer l'homme. Et finalement, il s'est rendu compte qu'en voulant changer l'extérieur, il avait trop de job. Et il a pensé que le problème venait de lui. Alors les écoles ont changé. Et on a eu des écoles d'introspection, des écoles où on travaillait chez soi, des écoles où on voulait se comprendre, des thérapies de groupe, des cours de croissance humaine, et patati patata. Et finalement, à travers les différentes humanités, l'homme n'a toujours pas changé. Le corps physique est de la matière. De la matière atomiquement révélée par le corps vital, l'énergie intra-atomique. Coordonnée en cellules, coordonnée pluralitairement en forme, le corps de l'homme. L'évolution lunaire, l'initiation lunaire, l'animal humain, son seul rôle, conduire le corps jusqu'au propriétaire du corps. Et conduire ce corps se fait pendant des millions d'années, jusqu'au jour où le propriétaire du corps va venir. Et là, on aura une deuxième initiation totale. Première initiation, la chair qui prend conscience qu'elle est là, qu'elle existe, qu'elle sait. L'animal sait des choses, l'homme sait qu'il les sait, et nécessairement prend conscience que les choses ne sont pas parfaites. Instantanément, l'âme qui prend cette conscience décide d'améliorer le corps, d'améliorer l'extérieur, parce que l'homme a toujours été un alchimiste. Il a amélioré sa maison, il a amélioré sa clôture, il a amélioré les plantes qu'il consommait, il a amélioré le décor de son paysage, comme l'alchimiste améliorait le plomb pour en faire de l'or. Et à travers ses projections matérielles, l'être humain s'améliorait lui-même. Pendant qu'il transmutait la matière, qu'il transmutait l'arbre en meuble, il mutait lui-même. Mutation bénigne, mais mutation quand même. Et nous approchons maintenant d'une deuxième initiation totale, là où le propriétaire de cette création va venir prendre possession de sa création, celle du corps. L'initiation se fait lorsque la deuxième initiation, celle qui nous occupe dans cette fin du 20e siècle, est une initiation d'éveil où l'être humain va prendre conscience totalement que toute la structure planétaire ne lui appartient pas, que lui en tant qu'homme devra totalement disparaître et qu'il ne restera là qu'un corps physique. Mais une transition fusionnelle entre ces deux étapes sera opérée et tout ce qu'il y a d'intelligent dans l'âme de l'homme, tout ce qu'il y a d'intelligent dans l'homme sera transmué, éthérifié, ça veut dire énergisé, et sera transposé dans cette fusion vers ce que l'être humain appelle des forces divines. Autrement dit, le 5% d'intelligence qui habite l'homme restera chez l'homme. Dans la prochaine initiation majeure au niveau de la planète, d'ici quelques années, certains individus vivront cette initiation. Dans les 100 prochaines années, le Québec, disons dans les 400 prochaines années, le Québec au complet aura passé par là. Et dans les 1000 à 1500 prochaines années, c'est le reste de la planète qui va suivre. Cette initiation, c'est la prise totale de la conscience par l'âme qu'elle est une âme. Exactement comme dans l'Antiquité, le corps de l'homme a pris conscience qu'il était un corps d'homme, un corps animal. Il a tout fait pour fuir cette conceptualisation à l'intérieur de ses concepts religieux jusqu'à Charles Darwin. Et on a continué à fuir. À l'époque, la Terre était plate. Aujourd'hui, c'est encore un peu plate. À l'époque, la Terre était plate. L'homme était une créature de Dieu, créée instantanément à l'image et la ressemblance de Dieu. Et l'homme n'avait jamais subi d'évolution. L'Australopithèque, on ne le connaissait pas. Ceux qui le connaissaient, ils ne voulaient pas le connaître. L'homme de Cro-Magnon non plus. Toute l'époque antérieure à l'histoire, donc la préhistoire, on la refusait. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a eu une évolution de l'animal pour, à un moment donné, être habité par de la conscience. La conscience qui, selon les religions, est notre péché majeur. Tous les gouvernements instaurés savent qu'un peuple conscient ne se dirige pas, ne se contrôle pas, ne se manipule pas. Tous les peuples intelligents se sont révoltés contre les hiérarchies. Lorsqu'on a eu des révolutions, des guerres civiles dans certaines nations, c'est lorsque le peuple a commencé à prendre conscience de son état. Prenant conscience de son état, il renverse les gouvernements. Bien souvent, parce que l'homme évolue très lentement, il instaure des gouvernements neufs, similaires aux vieux. Et son évolution doit quand même se faire de guerre en guerre, à travers des générations. L'humanité, dans l'Antiquité, a un jour pris conscience de son état, de son imperfection. Alors les structures du monde de la mort, du ciel, les égrégores égaux divins ont commencé à instruire l'homme qu'il avait été créé parfait, mais qu'il ne s'en rappelait pas. Et que c'est lui qui avait commis la bévue totale de le rendre imparfait. Parce que Dieu, dans sa miséricordieuse justice, a dit, un homme et une femme ont fait ceci, toute l'humanité va payer pour. Tu enfanteras dans la douleur. C'est en Lémurie que cela s'est passé. Et en Lémurie, l'être humain était hermaphrodite. Il n'accouchait pas. Alors il enfantait dans le plaisir. Il ne s'en rendait pas compte. Comme une cellule qui se divise, il ne souffrait pas. À un moment donné, il est devenu sexué. Il a enfanté. Le corps physique souffrait, pas la conscience. La conscience n'était pas encore assez réveillée. Alors, la conscience ne souffrait pas. Lorsque l'être humain est devenu conscient de son état, il a pris conscience qu'il souffrait. Et là, on lui dit, pour ta punition, toi, tu vas enfanter dans la douleur. Et le bonhomme, lui, travaillera, il gagnera son pain à la sueur de son front. Remarquez qu'il gagne surtout son pain à la sueur de ses bras. Mais ce sont des farces. Ce n'est pas depuis que l'homme, dans ce jardin d'Éden, a eu cette conscience du bien et du mal, que l'humanité s'est mise à mal marcher. C'est à partir de cette première initiation humanitaire que l'humanité a commencé à marcher. Parce qu'avant, c'était bien pire. Aujourd'hui, l'homme devra vivre une initiation nouvelle. Une initiation, un contact. Un contact non pas avec des extraterrestres, mais un contact avec lui-même. Un contact avec une conscience tellement individuel qu'elle va refuser toutes les explications traditionnelles provenant du passé. Une conscience qui va faire en sorte que l'homme va tellement être énergisé qu'il pourra passer par-dessus le piège de la culpabilité, le piège de la honte et surtout le piège de la médiocrité. Ça va prendre un laps de temps qu'on appelle l'initiation. Un laps de temps où l'homme, la femme, l'enfant se demandera qui il est, pour qui il se prend, qu'est-ce qui lui arrive. Bout de plug, il n'y a pas de diplôme. Lentement, il sera quand même confiné à prendre conscience que ce qu'il dit, que ce qu'il croit penser, est mieux que ce qu'on a toujours dit et pensé. Et il découvrira qu'il est le seul, la seule, ou qu'ils ne sont pas nombreux. Et lentement, cette initiation va engendrer chez lui l'acceptation des choses naturelles et le refus total des choses normales. Lentement, l'homme, la femme, l'enfant acceptera d'être naturel plutôt que d'être normal. Il acceptera d'être lui. Adultes ne font pas la différence entre des pantalons usés, propres, et des pantalons usés, sales. Alors souvent, ils disent aux enfants, « Pourquoi t'as encore mis ton linge sale? » C'est genre la laveuse. C'est pas sale. L'homme, la femme, se supportera. Il ne saura pas s'il a raison. Mais parce que ça va venir de lui, ça l'aura de toute façon plus d'importance que le reste. Alors, à un moment donné, on va demander à une personne qui va être dans cette initiation, « Penses-tu que Dieu existe? » Et la personne va répondre, « Non. » Et on va lui dire, « Tu ne crois pas en Dieu? » Et elle va répondre, « Non. » Et on va lui dire, « Tu penses, je suppose que tu as raison, puis les millions d'autres personnes ont tort. » La personne va répondre, « Oui. » Et là, on va lui dire, « Pour qui tu te prends? » Pourquoi il faut se prendre pour quelque chose? Pour avoir une opinion propre, pour avoir son opinion, il faut se prendre pour quelque chose. Et bien effectivement, se prendre pour quelque chose, de se prendre pour elle. Tandis que ceux qui ne se prennent pas pour quelqu'un d'autre, se prennent pour tout le monde, sont collectifs. Ah ben non, c'est sûr, j'ai des millions de personnes qui disent que Dieu existe, il faut exister. Il y en a un qui le dit à deux. Les deux l'ont dit à 10. Les 10 l'ont dit chacun à 10, ça fait 100. Les 100 l'ont dit chacun à 10, et on continue. Et finalement, des millions de personnes disent ça. Et le gars du début avait peut-être tort. C'est pas parce que ça fait des milliers d'années qu'on fait quelque chose de croche qu'on le fait bien. Lentement, cette initiation va obliger l'humain à se supporter. Il y aura des crises, des guerres, entre la culpabilité. Parce qu'il y en a énormément qui renient le passé, et lorsqu'ils vont se coucher, ils regrettent. En plein jour, avec les lumières électriques, c'est facile de parler du diable. « Ah, je ne crois pas à ça, mon diable! Ah! » Le soir arrivé, quand il fait noir, tu n'y crois pas, tu n'en as pas. Et lentement, il y aura ce genre de choses. Lentement, l'être humain ne pourra plus lire les vieux livres traditionnels. Parce que dans la tradition, il y a une grande partie des choses qui ne sont pas là. On dit la Bible, elle est actuelle, la Bible. Ben, il fallait se dire ça. La Bible, c'est de l'actualité, c'est écrit pour nos temps. Pourquoi qu'ils l'ont sorti il y a 2000 ans? Parce que c'était écrit. Parce que l'être humain évolue une année cosmique à chaque 1000 ans planétaire, la bébotique de deux jours, c'est sûr, l'actualité. C'est comme un vieux journal. L'actualité est un vieux journal. Tu regardes l'article, puis il dit l'accident d'automobile. 1956. Même affaire aujourd'hui. Mais il se trouve que si je vous vendrais un journal de 1956, vous ne l'achèteriez pas. l'intention de vous faire voler, mais c'est les mêmes nouvelles. On parle d'élection, on dit qu'un ministre s'est fait avoir. On dit qu'il y a eu un viol, on dit qu'il y a eu un suicide. Prenez un journal de 30 ans, c'est les mêmes nouvelles qu'aujourd'hui. Projet, promesse, danger de guerre, pollution, même affaire. Mais vous ne voudriez pas. Pour 35 cents, vous le prendriez. Mais la Bible qui date de 2000 ans, remarquez que les rusés la donnent. Le journal aussi, je vous le donnerai, vous le prendrez. Mais c'est la même chose. C'est de l'actualité. C'est évident que c'est l'actualité. Ça parle de l'être humain. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont faites. Toutes les prophéties bibliques se sont avérées vraies jusqu'à date. C'est vrai. Toutes les prophéties de Nostradamus aussi. C'est vrai. Toutes les prophéties de Jean 23. C'est vrai. De Malachie. C'est vrai. Les prophéties de Moroni. C'est vrai. Les prophéties de Rama. C'est vrai. Les prophéties de certaines traditions amérindiennes. Pas juste les prophéties chrétiennes, ou catholiques, ou bibliques. Il se trouve que même les prophéties des astrologues se révèlent vraies. Pour vous dire comment, c'est une phrase. Il va vous arriver, alors, cette année, vous allez rencontrer quelque chose. Vous allez avoir de la chance pendant le mois de mars. Peut-être acheter des billets de loterie. Vous allez vous risquer. Est-ce que vous restez avec quelqu'un? Oui. Il y aura des problèmes cette année. Votre automobile, là, vous avez vérifié la mécanique. Pour certains chars neufs. Ah oui, mais vérifiez pareil. Comment fait-il? Et je trouve que l'être humain a tellement besoin de sécurisation qu'il se rappelle tout ce qu'il fait. Quand quelqu'un me parle de la Bible, il me cite les passages qui marchent. Et moi, je lui cite ceux qui ne marchent pas. Et il trouve que j'exagère, que je vais trop loin, que je suis tout croche, que je ne comprends rien, que j'interprète à ma façon. La prochaine initiation, c'est une initiation qui va faire en sorte que l'être humain va devoir arracher complètement une peau, celle de sa mère, celle de son père. Il devra arracher cette peau et la jeter aux orties. Tous ceux qui vont résister, tous ceux qui vont lutter contre, vont être dans les derniers à passer, mais vont quand même passer, ils n'auront pas le choix. La terre était plate, on allait aux quatre coins de cette terre plate, les quatre coins du monde, mais à un moment donné, la terre semblait ronde. Jacques Cartier part, il trouve les Indes, finalement, c'est pas les Indes, c'est l'Amérique. Finalement, on en fait le tour, mais il pense faire le tour, elle reste plate. Puis quand on se met des photos satellites, ben, la peau de sa mère ou de son père. C'est arracher totalement le passé. Nous allons entrer dans une ère nouvelle. Pas une ère nouvelle prédite par le passé. Pas une ère du verso spirituel avec de l'art et de l'amour tout fait la face. Non. L'être humain, l'initiation va obliger l'humain et vous allez vivre cette initiation. Ceux qui sont venus ce soir pensant à vivre une initiation d'une semaine où ce que le cheveu le dresse sur la tête, cette procession peut changer. N'ont pas le corps physique suffisamment solide pour faire ce genre de choses. Mais ça change. Ça et c'est exponentiel. Plus ça va vite. Et l'être humain qui refuse de rejeter la tradition, toute. Qu'est-ce que c'est que la tradition? Toute. C'est de cesser de nous parler, ou cesser de parler de ce qu'on ne comprend. Accepter de savoir ce que l'on sait et de savoir ce que l'on ne sait pas. Il y a des jeux de mots. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, « Ah, moi, je le sais, moi aussi, qu'est-ce qu'il y a dans le monde de la mort, dans le ciel. Il y a Dieu. » Et moi, je leur réponds, « Oui, c'est vrai, Dieu est effectivement dans le ciel. » Et là, elle est plus contente. Moi, je sais que le Dieu qu'elle parle est effectivement dans le monde de la mort. Dans ce petit monde que nous nous avons créé et que nous devons transcender pour par la suite détruire. Et si je parle de cela à la personne, elle me répond qu'elle sait que ce que je défends. Mais quand elle dit « je sais », c'est de la sécurité. Elle ne sait pas en rien. Parce que chaque fois qu'elle doit me parler, elle doit fouiller dans ma tête. Oui, mais la Bible, c'est quand même les écrits de Dieu. C'est les écrits de l'homme. Pas de Dieu, de l'homme. L'homme a toujours fait dire à Dieu ce que l'homme voulait que Dieu dise. Toujours. Tout le temps. Quels que soient les prêtres, ils ont toujours parlé au nom des dieux. Un jour, un pape savait que la femme n'avait pas d'âme. Dieu ne lui avait dit. Quand la femme a commencé à protester, un autre pape a su que Dieu avait dit que la femme avait une âme. La main de l'homme qui écrit. Pas la main de Dieu. La tradition, c'est l'histoire de l'homme. C'est une histoire frauduleuse, trompée, fausse. Le premier évangile a été 93 ans après la disparition du Nazaréen. 93 ans de méditation pour savoir ce qu'on éliminait de la vie de Jésus. Et ce que l'on conservait. Il y a même des évangiles apocryphes, non publiables. L'évangile de Thomas, l'évangile de Lazare. On a 4 évangiles sur 12 apôtres. L'évangile de Judas a été caché. Et on a conservé que ce que l'on voulait conserver, et on dit c'est l'écriture de Dieu. Lorsque Dieu aura besoin de vous, il viendra vous chercher, autrement que par un. L'initiation qui vient est une initiation dangereuse. Parce que le monde de la mort ainsi que ses égrégores avec leurs égaux, les dieux, est extrêmement puissant. Toutes les religions ont leur force satanique. Toutes les religions ont leur contingence de propagande et de manipulation. Alors, si vous ne suivez pas les commandements de Dieu, vous irez en enfer. Et certains prétendent l'enfer sur la terre. Alors, pourquoi Dieu dit-il à l'homme qu'il va aller en enfer s'il lui est lié déjà? L'enfer, ce n'est pas la terre. La terre, c'est pire. Dans l'enfer, il n'y a pas la conscience. La terre, il y a la conscience. Plus on évolue, plus on prend conscience de nos problèmes. Plus on évolue, plus on souffre. Dans la conscience. La prochaine initiation, elle pourra engendrer des maladies. Elle engendrera surtout une guerre totale entre les mondes de la mort et les mondes de la vie. Une guerre totale entre les cieux et le ciel. Une guerre totale entre les dieux tels quels vus et priés par l'humanité depuis le début des temps. Et des phénomènes intentionnels, intelligents et attractifs qui nous ont créés en tant que corps physique, qui nous ont créés en tant qu'âme, et que nous sommes en tant qu'esprit. Une guerre entre le Dieu et le Dieu. Une guerre religieuse majeure. Et la prochaine initiation, elle se fera par le feu. C'est prévu par l'antique spiritualité. Vous savez qu'est-ce qu'elle prévoit, la religion, toutes les religions, toutes les prophéties? L'homme a trop péché. Parce que l'homme a trop péché, il va vers un apocalypse. Non. C'est pas parce que l'homme a trop péché qu'il va vers un apocalypse. C'est simplement parce que l'homme se réveille trop. Et la spiritualité le sait. Alors, elle enseigne à l'homme que l'homme, parce que l'homme s'est vu trop orgueilleux, a pensé qu'il était l'égal de Dieu. C'est orgueilleux. On est créé à l'image de la ressemblance de Dieu, mais il ne faut pas qu'on le dise. Et quand le Nazaréen prétend qu'un jour l'homme fera la même chose que lui, c'est une histoire. Il a dit ça, mais ça, c'était la journée qui a été joint, peut-être. l'interprétation, ça. Alors, je prends la Bible et je lis textuellement. Vous ferez les mêmes choses que moi et vous en ferez même de plus grandes. Là, je n'interprète pas, je le lis. Et on me dit, ah oui, mais ça, c'est l'interprétation. Restons minables, restons médiocres, restons imbéciles et restons idiots. La prochaine initiation, c'est le refus total des choses du passé. Lorsque l'être humain arrive à se poser des questions, lorsque l'être humain arrive à s'obliger à légiférer, à intelligencer les réponses qu'on lui donne, on peut prendre une réponse à l'extérieur de soi, mais elle doit faire avec notre logique, pas avec nos croyances. Avec notre logique. Les personnes qui m'aiment le plus sont ceux qui aiment entendre dire ce qu'ils veulent que je dise. Ça, c'est avec leur croyance. Monsieur Kem, croyez-vous à la réincarnation? Non. Hein? Parce qu'il y a un snobisme au Québec, quand tu commences à évoluer, péter, nécessairement tu crois la réincarnation. Croyez-vous aux extraterrestres? Croyez-vous que la Terre est creuse? Il place. Et l'un des grands points fondamentaux de cette initiation, parce que nous allons être capables de supporter, nous allons commencer à détruire le passé en détruisant nos âmes. Déjà dit, je suis un tueur d'âmes. Et lui-même me demande, êtes-vous l'antéchrist? Non. Je ne suis ni l'anté, ni l'anti. Parce que l'esprit a plus d'importance que l'âme. Je suis anti-âme. Et même si je ne suis pas là, le travail se fait pareil. De toute façon, il pouvait mourir. Elle a passé des millions d'années à se leurrer, à se croire qu'elle pouvait se sauver elle-même. Lentement, l'intelligence, l'esprit descend à travers l'homme. Lentement, la conscience arrive à se supporter elle-même. Il se prend pour ce qu'il est. Il ne se prend plus pour la gang. Alors, il a maintenant la faculté de parler, même contre la gang. L'humanité. Cette gang. Et à travers cela, il refuse le passé. Refusant le passé, il refuse les mémoires qui l'ont créé. Les mémoires réincarnationnelles qui l'ont engendré du point de vue de l'âme. Alors, écoute, il coupe le contact avec les dieux du monde de la mort. Coupe le contact avec les êtres contrôle qui canalisent les phénomènes réincarnationnels. Il coupe le contact avec les phénomènes manipulatifs. Il coupe le contact avec l'association manipulative collective que nous connaissons aujourd'hui. Il devient libre. Et nécessairement, l'âme n'étant plus assujettie à des alimenteurs par le collectivisme, meurt. Lentement, l'homme s'oublie. Et il ne peut plus souffrir d'aimer. Alors on dit, il est plus humain. Lentement, l'homme ne peut plus être jaloux. Lentement, l'homme ne peut plus être en colère. Il n'a plus peur. Ce, il est sûr, ce que les religions promettaient, il est en train d'aboutir, lui. Mais la religion, elle est astrale. Une religion possessive qui enseigne à l'homme ce qu'un jour il vivra et qui l'empêche totalement de se libérer d'elle. Vous devrez passer par moi, disait le Nazaréen, par le Christ, par l'Esprit Saint, par l'intelligence christique, par la christification, par la fusion, par l'intelligence supramentale, c'est la même chose. Pas par le bonhomme! Il y en a qui ont essayé de passer sur lui. Ils s'est tassé, ils ont passé à côté. Par l'intelligence, oui. On ne peut pas traverser le ciel sans l'intelligence. Alors, lentement, l'âme va être détruite. Et ce qui caractérise l'humain, dans ce sens que oui, mais on est humain quand même, ça c'est l'excuse majeure, c'est pareil, et va être créé pendant cette dissolution de l'âme, une configuration énergétique, éthérique, supramentale, espritique, parfaitement mimétique, parfaitement copiée sur tout ce qui est chez vous. Le 9. Il y a une partie de vous, mémoire de votre enfance, qui accepte les choses neuves, qui a encore la faculté de raisonner par le sentiment elle a vu tout ça. Pas la trouver belle, juste la vie. Et ces parties anégoïques, sans égo, vont être augmentées par la négoïsation, la destruction de l'ego et finalement des mémoires volatiles et finalement de l'âme. Et cela va engendrer un double éthérique. Le double éthérique est la copie conforme de l'homme, de tout ce qui chez l'homme est instantanément instantané. Pas ce qui chez l'homme est bon. Vous allez à un moment donné vous promener quelque part et un maringouin se pose sur votre chaise et puis vous l'écrasez. Et quelqu'un vous dit, mais t'es évolué, le maringouin ne devrait pas aller sur toi. Vous pouvez lui répondre, effectivement, quand je suis seul, il ne vient pas sur moi. Vous pouvez aussi répondre que vous avez d'autres choses à faire que de commencer à éduquer les maringouins. Ah oui, mais j'ai un tueur maringouin, c'est de tuer la vie. Oui, ma job, de piquer, ma job, gardez-moi. Ah oui, mais t'aimes pas les maringouins, bon. Non, je les adore. Même si je ne les mange pas. Quoi tu le tues? L'amour n'a rien à voir avec la vie. Je peux tuer un maringouin, je peux tuer quelqu'un, et je l'aime. Lentement, l'individu devient ce qu'on appelle un maître. Que la spiritualité appelle le maître. Celui qui n'est pas spirituel. Celui qui rentre ici dans la salle et qui voit une personne, qui va lui donner une claque sur la face et arracher la spiritualité. C'est un maître. Et il s'en va. Et tout le monde dit, oui, non, c'est une claque. Non. La personne, elle est très importante cosmiquement, mais elle passe tellement de temps à regarder la face dans le miroir pour se maquiller. Il vient de la vie de la salle. Il vient de quand cette vie, de défigurer un chat. Elle doit être juste une personne miroir. Mais personne ne peut comprendre ce qu'un être humain initié va faire, ce qu'un fusionné fait. On dit toujours qu'il est encore, il est inhumain. C'est vrai dans les deux cas. Il y a un cas biologique, mais il n'y a pas de cas. Une copie conforme de l'intelligence, de l'amour psychologique, conformiste, conditionnel, sélectif, illimité que l'humain. C'est celui qui marche. Et à un moment donné, il y a des bandits qui le poursuivent, puis il se cache depuis son puissant corps. Les bandits le cherchent. Il se réveille. On peut avoir pas, ça n'a rien à voir. Lentement, il crée un double éthérique. Un double qui va permettre à ta conscience d'être en contact avec les cieux. D'être ce que l'être humain spirituel appelle, et d'être en contact avec Dieu. Mais je ne parle pas d'un contact bizarre avec Dieu, un contact. Oh! Je parle d'un contact que lorsque vous posez une question, vous avez une réponse. Quel genre de question vous posez à Dieu? Quel genre de question vous posez à Dieu? C'est quoi le numéro gagnant? Et vous avez la réponse. Pas des choses comme ah oui, mais ça, c'est pas le sujet. Il faut continuer à vivre dans votre côté. Des questions comme quelle plante est comestible? Je suis dans le bois puis j'ai faim. Pas dans le genre prions, mais ça marche la prière, c'est comment, mais en plus, mais c'est pas comme ça. Alors, lentement, l'individu vit ce qu'on appelle une bilocation de conscience. Il a une conscience planétaire, il a une conscience humaine, et il a une conscience extraplanétaire, une conscience divine, au-delà du monde de la mort. De ce fait, il a la faculté d'englober toute l'humanité et tout son cheminement dans l'instantané, pour que le cerveau comprenne. En 5 secondes. Or, immédiatement, il connaît la position de tous les sous-marins nucléaires sur la planète. Ça, c'est un contact avec Dieu. Plutôt que de juste passer dans une librairie ou une bibliothèque en posant la main pour le livre qu'il aimerait acheter. Le Dieu pitié. Et à un moment donné, cet homme éthérique devient suffisamment constitué qu'il se rapproche du corps physique de l'homme, de la femme ou de l'enfant. Il se rapproche du corps physique, se rapprochant du corps physique, les symptômes de la fusion vont commencer à transparaître. En l'occurrence, guérison totale de toutes ces maladies. En l'occurrence, plus besoin de sommeil. En l'occurrence, réflexion passive. En l'occurrence, guérison de ceux qui le côtoient. En l'occurrence, rayonnement, charisme, génial qui commence à transparaître. Vision, apparition d'une Europe plus visible, qui sera visible par les gens. On l'a souvent dessiné autour de Nazaréen et d'Auréole. Et lentement, le double éthérique finit par s'associer totalement aux molécules, à la structure moléculaire et atomique du corps physique. Il y a une fusion complète. Lorsque la fusion complète est opérée, notre corps physique est un corps de lumière. Il ne meurt plus, il ne vieillit plus. Il peut rajeunir, il peut vieillir, il peut changer de forme, il peut disparaître. La matière n'est plus un facteur limitatif parce que le corps physique est un corps éthérique, ce n'est plus un corps exclusivement matériel. Cette fusion ne libère pas l'homme pour autant de toute la phénoménologie qui oblige l'humain à être dans un continuum d'évolution comme la planète Terre. Lorsque la fusion est opérée, nécessairement l'initiation qui vient de contact avec de l'intelligence est terminée. La fusion entraîne nécessairement la création d'un corps physique éthérique. L'être humain devient immortel. Étant immortel, il ne peut plus avoir d'enfant. Il ne transmet plus sa génétique. Il devient donc stérile. Devenant stérile, il a une autre fonction, celle d'acquérir et d'aller chercher tous les êtres humains qui sont reliés à son faisceau d'énergie esprétique et de les assimiler au fur et à mesure que ces humains-là vont mourir. Alors, de ce fait, il devra supporter le poids karmique de toute son humanité à lui. Et présentement, il y a 13 humanités différentes sur la planète Terre. Le Nazaréen, le Christ, a supporté le poids des péchés du monde de son faisceau d'énergie, le 14e. Et tous ceux qui restent sur la planète, c'est ceux qui n'ont pas été sauvés par la présence du Christ. C'est ceux qui ont été instruits, mais qui n'ont pas été sauvés. La preuve, ils sont encore ici après 2000 ans à se demander qu'est-ce qu'ils font là. À se mettre encore des crèmes sur le bouton d'acné. Lorsque cela est fait, l'être humain fusionné vit. Il vit retiré. Il n'a pas besoin de concubin ou concubine. Il n'a aucune relation sexuelle biologique. Et il instruit. Il instruit en ce sens qu'il fait de la propagande. Il manipule les masses. Il s'arrange pour que tous ceux qui sont reliés à son faisceau et une attirance vers lui. C'est normal, naturel et logique, utile, essentiel, mécanique, obligatoire. Alors lentement, ces individus vont poursuivre un schéma d'évolution, et lorsque ces personnes meurent, elles sont eux aussi immortelles de par la présence d'un seul immortel du même faisceau. Lorsqu'elles meurent, elles réintègrent le corps de celui qui est fusionné, se fusionnent à lui, et viennent l'enrichir. Tout ce que je dis est prévu par la Bible. Tout ce que je dis est prévu par la Bhagavad Gita, prévu par tous les livres traditionnels, avec des explications plus complètes. Et nécessairement, ça oblige l'humain à devoir abandonner des vieilles structures qu'on transmet depuis l'Antiquité, alors que dans l'Antiquité, on avait la possibilité de comprendre d'une façon très limitée les instructions. La Bible n'a pas de tempo. Aujourd'hui, on doit éliminer ces choses pour comprendre un peu mieux. Le fusionné est un être solitaire. Un être solitaire qui est rejeté par toutes les contingences spirituelles de la planète. Bref, un être intelligent, espritisé, qui est rejeté par le monde de la mort parce qu'il n'est plus une nourriture, il n'est plus un alimenteur du monde de la mort, il ne meurt plus, qui est rejeté par toutes les spiritualités et les religions. Et la seule façon pour un fusionné d'être accepté par un contexte spirituel, c'est d'accepter leur position. Alors, un être humain fusionné n'accepte pas les traditions, mais va s'en servir. Alors, il va dire telle ou telle tradition. Ou encore, pour mieux, notre tradition prévoit ceci et cela. Et je suis l'accomplissement de la prophétie. Et là, les gens vont demander des preuves, parce que les gens n'acceptent pas les choses comme ça. Et lentement, la personne qui est fusionnée va vivre ce qu'elle a à vivre en interprétant les prophéties avec la puissance de son verbe et elle va lentement être capable de passer à travers la prophétie. Sinon, ça devient un être humain qui va se retirer et qui va attendre d'avoir des contacts seulement avec ceux qui vivent l'initiation, ceux qui se retirent eux-mêmes de la peau de leur mère, de la peau de leur père, de la tradition et du passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons remettre en question tout ce qui a été établi. Remettre en question ne veut pas dire rejeter. Remettre en question veut dire douter. Je doute de la Bible. Elle peut être fausse. Ce n'est pas parce que c'est le livre le plus publié après l'annuaire téléphonique que dedans il n'y a que la vérité. Ce n'est pas parce que des millions d'êtres humains s'en sont servis que dedans il n'y a que de la vérité. Je dois douter. Je dois admettre la possibilité que ce soit une farce, une illusion, un mensonge. Je dois douter des cours. Je dois douter de l'enseignement de mes parents. Je dois douter de l'enseignement télévisé. Je dois douter de tout ce que j'ai lu. Je dois douter de Daniel Kemp. Je dois douter même du doute. Alors, je dois douter qu'après la vie, il y ait la mort. Je dois douter qu'après la vie, il y ait la vie. Je dois douter que le bonheur existe. Je dois douter que le bonheur n'existe pas. Je dois douter. Je dois ne pas savoir. Si je ne sais pas, je dois l'accepter. Alors, l'être humain qui doute de tout ne rejette pas. Je doute que Dieu existe. Je n'ai pas dit qu'il n'existait pas. Ce que l'humain devra prétendre. Mais je n'ai pas dit qu'il existait. Je ne le sais pas. Alors, lorsque l'être humain parvient à accepter et à supporter son doute, il est libre. Très libéré. Très libéré. Je doute de l'existence du diable. Je doute qu'il n'existe pas. Je doute qu'il existe. Je doute du suicide. Je doute de la vie. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu doutes comme ça? Rien. Mais il restera une chose. Je suis là. Ça, je ne peux pas le douter. Alors, je viens d'éliminer tout l'entonnoir pour me ramasser dans un point de focus central. Le reste, je ne le sais pas. Et à partir de moi, j'ai maintenant éliminé toute la vieille tradition. Et avec mes yeux, et non pas ceux qu'on m'a donnés, je vais redécouvrir le monde. Et redécouvrant le monde, je vais me rendre compte qu'il y a bien des choses que je croyais importantes qui sont utiles. Il y a bien des choses que je croyais dangereuses qui sont plaisantes. Et lentement, je vais éliminer toutes les contingences qui m'ont obligé à être collectif pour l'enfant devenir moi. Et l'intelligence supramentale, l'intelligence christique, se plaît énormément à descendre dans un corps physique habité par un individu et non pas habité par une collectivité qui va le juger. L'initiation se fait comme cela. L'initiation engendre la négoïsation engendre la création d'un dobétérique. Le dobétérique lentement se fusionne avec le corps de l'homme, de la femme, fusionné, l'être humain est plus ou moins libéré. Lors de la deuxième partie, on va parler un peu du travail qui attend le fusionner. Si vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi, on les donne à Mario ou on les amène sur le temps.